Ils sont en alerte prévisible et vraisemblable à la déconne, c'est Charline Van Hanecker et tous ses amis. Ah oh, ben ouais. Ça, on c'est l'alerte belge. Hein. Amis, d'accord, bah, moi je vous laisse entre vous en tout cas. Merci Laetitia Gaillet, bon courage, Benoît, vous faites partie de l'équipe, vous passez le relais magnifiquement. Merci pour les infos, prochain point à presque 17h17 bien sûr, comme chaque jour. Et voici comment nous avons préparé ce matin l'émission. Salut les amis. Salut Charlie. Attention, parce qu'aujourd'hui on reçoit un maître. Ou un maître Gims. Non, un maître du travail d'équipe. Ah, c'est pas Didier Deschamps. Mais non, un maître du travail d'équipe avec des comiques. Ah bah c'est toi. Ouais, faut pas exagérer. Non, ça c'est trop. Alors c'est Romain Bouteille. Ah ouais, le café de la gare. Oh, ouais, ça c'est un maître, c'est autre chose que toi, parce que... il a lancé les pointures, le gars. Coluche, Devers, Miu Miu, Guibet. Depardieu. Ah bah voilà. Quoi voilà? Ah bah lui, au moins, dès le début, il a des cadors. Ah bah ça, je suis désolée. Alors bah, moi, ce que j'arrive à faire déjà avec certains boulets, c'est déjà pas mal. Tu pensais Guillaume. Pas que. Mais non, il y en a d'autres. Parce que. Il y en a. Thomas VDB, Marius, Hippolyte. Non, continue. Tu penses à Juliette, non, c'est vrai que c'est un boulet. Non, toujours pas. Non. Ouais, enfin, peut-être que nous aussi on va cartonner. Peut-être. Ou alors pas du tout, ça on ne sait pas. Ouais, mais enfin, si on cartonne, les gens diront ouais, Charline, elle a du bol, tombée sur des pointures au début. C'est ça. Voilà. Je vais demander quelques conseils à Romain Bouteille. Bon, après, en revanche, si on est tous nuls, alors tu diras oui, bah, Charline, elle a sucré quand même l'alchimie entre tous ces gens. Bah voilà, c'est ça. Aimé Jacquet, elle a gagné la Coupe du Monde avec Guimard chez Dugarry. Ah, bah tu vois, c'est pas facile de travailler avec un Dugarry. Bon, toi, t'as du bol, y a pas de Dugarry dans l'équipe. Mais non, mais bien sûr, t'en fais pas. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui commence toujours par un dialogue social avec l'actualité. Et voici les trois informations qui devraient trouver un compromis d'ici 18h. La social-démocratie est en fin de cycle. Quand en France on est seulement en plein dedans, les pays qui l'ont testé sont déjà passés à autre chose. La social-démocratie c'est peut-être has-been, mais Hollande veut encore y croire. Elle est poussive, donc faut la pousser. Quand vous avez quelqu'un de poussif, faut le pousser. À Berlin, le monde du théâtre est solidaire des réfugiés. Le théâtre pour expliquer la société allemande. En France aussi, il existe des initiatives. J'ai pensé à une opération fédératrice qui remettrait un peu de lien dans les différents quartiers de notre ville. Un tournoi de ballon-ballet. Le bobo, c'était déjà hier. Aujourd'hui émerge son antithèse, le bourgeois bourrin, le boubourg, le gars très décomplexé, quoi. Le droit de porter des sandalettes avec des chaussées parce que c'est confortable. Le droit de tout faire. Si on veut porter notre Motorola dans un étui à notre ceinture, on le fait. Et moi, je suis accompagnée de celui qui se situe toujours au centre. Donc, entre Bobo et Boubourg, il est plutôt Bobourg. Et ça tombe bien, ça fait culturel, c'est Alex Vizerec. Mais oui, dites donc, ça bosse aujourd'hui, Charlie Lanaker. Je suis très ému. Oui, non, c'est pas que vous bossez pour les autres jours, mais bon. Moi. Allez, je vous présente l'équipe. On a une belle équipe, 17h20. Cet homme a un cerveau bâti comme un entonnoir. Il sait énormément de choses, il a envie de tout dire. Mais en même temps, donc ça bouchonne et on récupère que des bribes. Mais quelles bribes! Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. J'adore, c'est une vraie psychanalyse ici. Je suis en train d'apprendre des choses sur moi. C'est ça. Alors aujourd'hui, on va faire un très joli duo. Une cora et un violoncelle. La cora de Balaké Sissoko et le violoncelle de Vincent Segal. Deuxième opus après 6 ans. On va apprendre ce que c'est qu'une cora. À 17h30, hier, il a passé sa journée au salon de l'érotisme. Il s'est bien marré. Alors pour que le contribuable ne pense pas que sa redevance ne servent qu'au divertissement de Guillaume Meurice. Aujourd'hui, il est allé s'emmerder dans un autre salon bien plus ennuyeux. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charlie, bonjour à tous. C'était pas vraiment un salon, c'est une grande convention et c'était celle du lobby du nucléaire français. Et oui, et j'ai parlé chiffres avec des gens très très très précis. Ah non, je suis sûr du chiffre. C'est le rapport, c'est de, je sais pas, 1 à 1000, 2000, 3000. Ouais, on est pas à 2000 près finalement. Et à 17h40, le savant de cette émission. Enfin, moi, je suis pas capable de vous dire si c'est beaucoup de choses, mais en tout cas, il les explique vachement bien. C'est Marius Colucci, bonjour. Oui, bonjour. Et aujourd'hui, je vais vous parler des autres savants, ceux qui font vraiment le monde de demain, les ingénieurs optimistes. Et le référent de la République du jour est né sous Vincent Auriol. Ça fait vintage comme ça. Vous créez le Café de la Gare, vous co-créez le Café de la Gare en 69, l'année de la création de la DGS, la Direction Générale de la Sécurité. mais au Portugal. Chez nous, la DGSE, c'est 82. C'est la gauche, c'est Mitterrand. Vous jouez le rôle d'un soldat allemand dans section spéciale de Costa Gavras en 75. C'est l'année de la formation des Sex Pistols. Vous avez l'air de le découvrir, non ? Vous en rappelez ? Vous ouvrez le théâtre Les Grands Solistes dans l'Essonne à Étampes. Oui. En 2014, quand Manuel Valls joue son fameux stand-up J'aime l'entreprise au MEDEF Comedy Club. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes Romain. Qui ? Romain ? Romain, mais Romain Bouteille. Comment ? Mais oui ! Mais non, ouais, le Romain Bouteille ! C'est beaucoup trop classe ! Je Romain Bouteille ! Ouais. Je croyais que sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Mais je me demandais si c'était le vrai Romain Bouteille. Oh mais il y en a plein d'imitations. Hein. Ah oui. Il y a déjà Romain Colucci, son frère. Oui. Qui est nommé pour toi. Bah ouais. Toujours, oui, alors toujours copié, jamais égalé, Romain Bouteille. Alors, vous avez créé un théâtre qui s'appelle Les Grands Solistes à Étampes, oui. Dans l'Essonne, on va en parler. Et puis dans ce théâtre, eh bien, vous jouez vos pièces. Alors, il y a par exemple Les Droits des Hommes Courbes, une pièce que vous avez écrite, mise en scène, que vous jouez, et qu'on pourra voir d'ailleurs au Festival du Printemps du Rire à Toulouse, du 29 mars au 2 avril. Une pièce où vous dénoncez, Romain Bouteille, une religion monétaire, si j'ai bien compris. Oui. Et vous expliquez qu'il ne peut pas y avoir de théâtre engagé dès lors qu'il y a une subvention. Ah ben oui, ça... Ah ben, ça paraît évident chez vous. La subvention, c'est pour s'assurer qu'un théâtre soit bien dégagé, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un théâtre c'est bien dégagé d'engager. Le contraire d'engagé, quoi. Ah, d'accord. Donc, non, mais il y a bon... Les subventions, alors. C'est le même plaidoyer que je fais dans tous les spectacles, en fait. C'est l'intérêt, non pas psychologique, mais rentable. L'intérêt comptable de l'anarchie, vous voyez. Ah oui. Ça, c'est mon boulot depuis tout petit. Mais alors, pas de subvention publique, mais pas de subvention privée non plus, j'imagine. Pas de mécénat ou des choses comme ça. Ah ben non, ah voilà. Pas. Ah oui. Comment on joue mais ça serait dates, scandaleux, parce que en anarchie, si on construit une chose, on est au dixième du prix qu'il faudrait dans une hiérarchie pour le construire, vous voyez. D'accord. C'est alors, un système économique à part. En plus, une subvention, ça serait... nager dans la graisse, quoi. Oui, c'est ce que tu expliquais, c'est que effectivement quelqu'un à qui on dit nous on va faire cette chose là, est-ce que vous voulez nous aider, il va être 10 fois plus motivé qu'un type à qui tu dis on fait ça maintenant, toi tu vas faire ça pour nous aider. Voilà, c'est-à-dire qu'en général le patron il donne le boulot chiant aux autres et le boulot fascinant pour lui, quoi. Ce qui entraîne le sabotage, c'est de là que vient le rôle. Ça se tient. Je comprends. Et alors, donc, en cette époque où tout est fait pour qu'on reste chez soi, hein, les home cinéma, internet et maintenant l'état d'urgence, Romain Bouteille, il est encore possible d'ouvrir un théâtre et de le faire vivre de cette manière-là, votre théâtre, Les Grands Solistes à Étampes ? Je ne sais pas s'il va tenir le coup encore. On le souhaite. Non, on espère. Mais les gens sont mignons à Étampes. C'est-à-dire. Il y a une quantité énorme de vieilles dames qui viennent et qui sont très gentilles, et alors qu'ils m'ont étonné par leur rapidité à comprendre des textes difficiles et tout, parce que nous on fait dans le texte un peu difficile, quoi. C'est quoi un texte difficile ? Difficile. Oui, parce quoi, qu'Alex, il sait pas, vous n'avez pas vu le spectacle d'Alex. ou alors des textes tragiques, mais j'ai pas les noms. Mon problème, c'est que. Moi, je ne retiens pas les noms. Allez-y. Alors, il faut que je sorte. Faites votre petit truc. En fait, c'est vrai qu'on a toujours tendance à prendre la mythique ménagère de moins de 50 ans pour une idiote. Déjà, un, elle n'existe pas. Et deux, elle est loin d'être idiote. Dans les médias, ça, on a toujours peur dès qu'on parle bac plus 2 à la télévision. C'est le type par de exemple. Nouvelle star qui parle. Voilà, non, mais ici, de Deleuze, la Nouvelle Star. On dit qu'on est segmentant, quoi. C'est horrible. En même temps, les textes difficiles, on connaît. On a les chroniques d'André Manoukian, donc on voit à peu près à quoi ça ressemble. Par exemple, Les Droits des Hommes Courbe, Romain Bouteille, vous considérez ça comme un texte un peu difficile, mais vous le rendez digeste, c'est votre boulot depuis des années, avec bon, l'esprit, c'est, avec c'est, l'humour. C'est possible, enfin, on n'est pas habitué, quoi. D'abord, c'est en vers, ça rime, c'est des vers presque académiques, quoi, classiques. Bah, Romain Bouteille qui fait des vers, c'est sûr. Ah ouais, je ne fais plus que ça, maintenant. Moi, j'ai compris c'est votre blague. Merci. Il y avait un jeu de mots. Tout à l'heure, je vous ferai un passage. Ah oui, pour ah vous bah donner oui. l'idée. Ah oui, avec plaisir. Fouillez dans votre sac, là, cherchez-le. Moi, tu m'avais raconté une fois, Romain, que tu faisais des textes un petit peu compliqués, mais tu rendais ça intéressant pour le public, en tout cas suffisamment intéressant pour qu'ils se disent j'ai rien compris mais je vais acheter le bouquin pour comprendre et que c'est comme ça que tu gagnais ta vie. C'est marketing. Ouais. Les gens aiment bien être considérés comme plus intelligents qu'ils sont. Mais bien sûr. Et ils s'accrochent à ce moment-là. Mais oui. C'est pour ça qu'on va vous poser des questions faciles, vous allez voir. Bon, Romain Boutaillet est avec nous. On attend un texte, un extrait des Droits des Hommes Courbes, la pièce qu'on pourra voir au Festival du Printemps du Rire à Toulouse. Il est avec nous jusqu'à 18h. I'm gonna find him off. A seven nation army couldn't know me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says, leave it alone. Oh, oh, leave it alone. Leave it alone. Oh, yeah. Oh, leave it alone. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. And that ain't what you wanna hear, but that's what I do. And the feeling coming from my bones says, find a home. Find a home. Find a home, yeah. Find a home. Come on. Le Soul, Seven Nation Army sur France Inter en compagnie de Romain Bouteille, tiens, le créateur du théâtre sur un modèle d'économie anarchiste, Les Grands Solistes à Étampes dans l'Essonne, et vous pourrez le voir dans sa pièce Les Droits des Hommes Courbes au Festival du Printemps du Rire à Toulouse du 29 mars au 2 avril. Et autour de cette table, Alex Vizorek, notre troupe à nous, c'est André Manoukian, c'est Guillaume Meurice et c'est Marius Colucci. Et on va s'informer à cette heure-ci, Romain Bouteille. On va vous reconnecter avec l'information, attention. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Oui, attentat de Paris, les interpellations continuent à Bruxelles dans le quartier de Forêt. Alors on dit bien Forêt et pas Fourest. Alors c'est sûr que c'est une affaire de barbu, mais Caroline Fourest n'y est absolument pour rien ce coup-ci. Nicolas Dupont-Aignan a officialisé sa candidature à la présidence de la République. Elle fait suite à la sortie de son livre « France, lève-toi et marche », un type qui cite du Julie Pietri, ça ne peut être qu'un type bien. Et il y aura des brèves, mais des super brèves. Et on commence par les perquisitions à Bruxelles. Les policiers belges sont entrés dans un endroit qu'ils pensaient vide. Oui, et c'est dire si les gars étaient bien renseignés, car dedans, il y avait deux djihadistes. Ah oui, ils sont donc entrés dans la planque par une méthode qui n'est pas sans rappeler une scène du Corneau. Bonjour, c'est la police belge, il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. C'est bon les gars, on peut y aller. Voilà. Et selon Bernard Cazeneuve, cette intervention était une opération conjointe des services de police français et belge. D'ailleurs, parmi les quatre policiers blessés lors de cette intervention, on retrouve une policière française. Oui, et on se moque souvent des Belges, mais la policière française, elle s'est blessée en chutant dans l'escalier. Alors voici ses premiers mots. J'ai glissé, chef. Évidemment. Voilà. Passons à présent à ce grand moment dans l'histoire de la 5e République. Oui, hier, 15 mars 2016, journal de 20h. Sur TF1, Nicolas Dupont-Aignan. Êtes-vous candidat à la prochaine élection présidentielle ? Eh oui, vous avez raison. Je suis candidat à la présidence de la République française. Soulagement, quelle fête, quelle fête, Il avait quand même fait 1,79% en 2012. Oui, mais cette fois, c'est plus pareil. En plus, il y croit. Il a dormi une nuit dessus et ce matin sur France Info. Si vous, à la sortie du premier tour, vous pesez... Mais je serai au second tour. Je fais pas ça. Attendez. Je fais pas ça pour faire la figuration. Il est à fond. On sent que le journaliste de France Info n'y avait pas du tout pensé à cette hypothèse. Et tout ça suite à la sortie de son livre « France, lève-toi et marche ». Exactement, on a déjà la chanson pour les meetings de campagne. Se lève-toi, il va changer ta vie. Dupont-Aignan est là, si tu veux gâcher une voix. France, lève-toi, tu n'attendais que lui. L'autre Nicolas, lui non plus personne n'y croit. Manoukian, il en prend plein. On a pris un rouge, on a pris un double rouge. Hey, ça, c'est l'effet du Pont-Aignan. Charline, c'est un orgasme vocal. Passons à la vraie politique. Oui. Emmanuel Macron a été désigné par le Forum économique mondial de Davos comme l'un des 121 maîtres du monde de moins de 40 ans. Mais oui, avec ses mesures libérales, évidemment, Emmanuel Macron est surtout très fort pour maître du monde dans les rues. Société à présent pour... Dans la rue, ça marche aussi. Oui, dans la rue. Oui. Les deux marchent. Société à présent pour éviter des affaires de pédophilie, Najat Vallaud-Belkacem annonce que les casiers judiciaires des professeurs seront passés au peigne fin. Voilà, on attend encore évidemment des mesures pour détecter les pédophiles chauves qui pourraient passer à travers. International avec les nouvelles de Leonarda, on apprend que la jeune fille qui aimerait toujours revenir en France est désormais serveuse dans un restaurant au Kosovo. Ah bah oui, vous voyez, mais ça, le gouvernement français crée des emplois. Alors à l'étranger, mais il crée des emplois. Voilà, le changement c'est maintenant, mais à l'étranger. Voilà, je savais. Radio France. Mais oui, 30 ans après, la pub commerciale va faire son retour sur Radio France, a confirmé Madame Azoulay. La ministre de la Culture. Exactement. Oui. C'est que Madame Azoulay n'a pas dit c'est comme la Matmut, hein, toutes les pubs seront dites par Laspalais et Chevalier. Voilà. C'est ça qu'elle n'a pas précisé. Toutes les pubs et donc nous respectons ce que la ministre pense et on va commencer tout de suite. Mais dites donc, je vois bien. Ben oui, t'as des nouvelles lunettes. Ben oui, j'ai des nouvelles lunettes. Mais c'est quoi comme marque? C'est Optique 2000. Voilà, une nouvelle ère s'ouvre sur Radio France. C'est la double imitation de Laspalès et Johnny en même temps. Ça peut provoquer des embolies cérébrales. Et voilà ce qui nous attend donc maintenant sur Radio France. Pub. Merci les Madame Azoulay, ça fait plaisir. C'est bien de le dire. On la félicite. On est content, la nouvelle ministre. C'est un beau truc. Voilà. Une petite brève Ben oui, Angleterre, incarcéré, il publie une critique TripAdvisor de sa cellule de prison. Oui, un Britannique a publié une critique où il indique notamment, je cite, « J'ai donné 4 étoiles à cet endroit. C'est vraiment le petit déjeuner qui fait baisser la note. À part ça, l'équipe est plutôt sympa. La déco, certes, est minimaliste, mais la chambre a été sécurisée. » Alors, selon les informations, le type se serait ainsi inscrit sur Tinder pendant son séjour à la prison. « Si tu fais tomber le savon, swipe à gauche. Si tu ramasses la savonnette, swipe à droite. » Retour à une activité normale sur France Inter en compagnie de Romain Bouteille qui est avec nous. Oui, qui est consterné, bien sûr. Je suis dépassé. Là, vous avez vraiment travaillé votre émission. Là, je suis complètement On a suivi vos règles, Romain Bouteille. Ça vous fait disiez, plaisir de quelqu'un le remarque, en tout cas. Mais oui. Non, mais nous, on a un mois ou un an pour répéter. Mais... Bien sûr, mais vous disiez qu'au Café de la Gare, les gens pensaient que c'était improvisé alors que c'était hyper travaillé. Alors nous, on a suivi votre consigne. On improvise. Ouais. Et en anarchie, on ne peut pas parler de travail puisque c'est chacun pour soi et on est son propre patron, mais évidemment. Justement, il n'y a plus de travail. Parlons un petit peu de politique sous l'angle anarchiste. Le premier sujet, la France s'est mise à la social-démocratie, semble-t-il, après tout le monde, et même 20 ans après l'Angleterre et Tony Blair, la troisième voie, etc. Aujourd'hui, ce modèle dans lequel on vit, il est en fin de cycle. Mais qui a bien pu conseiller cette fin de série à François Hollande? C'est sûrement un type comme Alain Minc. Écoutez-le. Voilà, je crois que la dialectique, qui est la base de la pensée politique, La dialectique, c'est comme c'est passé de l'analyse à la synthèse, comment on change de vitesse en automobile. Alors ça, c'est quand même... Vous comprenez comment ça se passe. C'est-à-dire que ça permet de passer d'un point de vue analytique sur un point précis à une conclusion générale. Et de faire sans arrêt un aller-retour, sans oublier de regarder comment ça se passe à la base. Il y a des vitesses automatiques maintenant. Mais voilà, et on y est. Un extrait de L'Aventure, c'est L'Aventure. C'est Le Monde diplomatique qui titre et qui fait son gros dossier ce mois-ci sur fin de cycle pour la social-démocratie. Donc, Romain Bouteille, vous, indécrottablement anarchiste. Vous n'avez jamais changé de ligne. C'est très spécial. On ne peut même pas appeler ça anarchiste puisque c'est anarchiste de rendement. C'est-à-dire, c'est anarchiste comptabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il nous faut des précisions, là. Expliquez-nous. Il s'agit simplement de ramener une perte sèche de 87%, de la ramener à 80%, quoi. c'est une histoire bêtement monétaire. Oui. Perdre moins, quoi. Il faudrait perdre moins. Perdre moins pour gagner plus. Ouais. C'est un bon slogan, ça. D'accord. Mais est-ce que la base de l'anarchie, ce n'est pas finalement la loi du plus fort? Et est-ce que ce n'est pas le libéralisme, la loi du plus fort? Et pour être le plus fort, il faut avoir une police. Pas ça, en anarchie. Pas forcément, il y a des inégalités de naissance. Donc il y en a qui naissent déjà plus riches que d'autres, plus avantagés que d'autres. Ouais, est-ce que l'anarchie, ça ne laisse pas perdurer ce système inégalitaire? Oui, mais pas entre malades. Les anarchistes sont des malades. Donc on est... Non, les malades, ce sont ceux qui sont en hiérarchie et qui donnent des ordres, puisqu'ils savent qu'il y aura 10 personnes pour saboter l'ordre et pour prouver que cet ordre est un ordre imbécile. Donc vous considérez que vous êtes retiré du système et que vous avez créé votre propre système indépendant Je ne peux pas, sous prétexte que le système est monétaire, je ne peux pas plaider pour le monétaire, comprenez, parce que je sais que ce que ça coûte. Mais alors, quand on sait que le monde est aux mains de l'économie, de la finance, etc., est-ce que l'anarchiste peut lutter contre ça? Ah, mais il n'est pas question de lutter pour ça. Il ne lutte pas, l'anarchiste. Constituer une hiérarchie. Ouais. Une hiérarchie militaire, même. Et la contestation, parce que quand on arrive comme ça en fin de cycle, comme l'explique Le Monde diplomatique, il y a un épuisement idéologique de toute cette voix incarnée par Schröder en Allemagne, Tony Blair en Angleterre, Felipe González en Espagne ou DSK en France, mais c'est épuisé un petit peu plus rapidement que prévu. Donc il y a une contestation qui monte. Alors il y a ceux qui contestent par les urnes, par la colère avec l'extrême droite, et puis il y a quand même une contestation qui monte un peu à l'extrême gauche, ou enfin à la gauche alternative. Vous, la contestation, vous la sentez poindre ou pas? Alors, on attend l'explosion. Après l'explosion, il n'y a plus de problème. Mais quelle explosion? Les anarchistes sont les seuls qui s'en sortent à ce moment-là, parce que quand il n'y a plus un rotin, il vaut mieux multiplier par 10 la productivité que d'être en hiérarchie. Oui. Ah oui, vous attendez que tout pète, vous, donc? C'est ce qui va arriver. On veuille que je l'attende ou que je ne l'attende pas. Mais vous, quand ça aura pété, vous serez là, vous n'allez pas nous laisser tomber, c'est ça l'idée. Ah, je ne sais pas si je serai là. J'ai pas la date. Donc, ça donne envie de vous faire confiance. Hein. André Manoukian. Ah oui, on va aller se balader. Oui, vous êtes anarchiste dans la maîtrise du temps, hein, ça c'est sûr. Mais en même temps, on y va gentiment avec les moyens de production. Enfin, on va bientôt fonctionner avec des petites tribus. La tribu dont je vais vous parler, moi, c'est naturellement une tribu de musiciens. Alors, la musique, ça demande un long apprentissage. Il faut apprendre tout un vocabulaire, il faut apprendre des automatismes, il faut se muscler les doigts, il faut se muscler les cordes vocales. Quand un musicien en fin de parcours est enfin accompli, vous savez ce que ses pairs lui disent? Ils lui disent, c'est bon, tu as ton passeport. Où que tu sois sur la planète, tu pourras dialoguer, échanger, vibrer avec un habitant du pays, même si tu n'entends rien à sa langue, à une condition, c'est qu'il soit musicien lui aussi. C'est ça le miracle de la musique, la malédiction abolie de Babel. Si seulement nos gouvernants savaient la musique, il y aurait peut-être un petit peu moins de conflits dans le monde. Je suis un petit peu utopiste comme mon voisin de droite qui est extrême gauche sur l'échiquier. Vincent Segal, violoncelliste classique bardé de prix, est tombé dans la marmite du jazz. Autant dire que son passeport à lui est multitimbral. De Mathieu Chédid en passant par Sting, Moustaki, Oxmo, Puccino, ce duelliste virtuose, bretteur hors pair, a trouvé son alter ego au Mali. Il s'appelle Balaké Sissoko. Son instrument à lui, c'est la kora, la harpe mandingue qui, selon la légende, était l'instrument personnel d'une femme génie qui vivait dans les grottes de Kansala en Gambie. Un grand chef de guerre ému par la beauté du son la vole, la donne à son griot, Djeli Mali, qui la transmet à son fils Kamba. Elle passe ainsi de père en fils jusqu'à Tilimagan Diabaté qui l'introduisit au Mali. Pour faire une kora, vous prenez, Alex, une grosse calebasse. Vous la coupez en deux, vous l'évidez soigneusement, vous recouvrez la partie ouverte d'une peau de vache, de bœuf, de cerf ou de daim, bref, l'animal qui vous tombe sous la main. Ou une peau synthétique, si on ne veut pas faire de mal aux animaux. Non, non, une peau de vache, j'en connais. D'accord. Vous creusez deux petits trous dans la coque par laquelle vous faites passer un grand manche en bois, dans le haut duquel vous installez des clés qui vont fixer les cordes et les accorder. Vous tendez les cordes au nombre de 21 de part et d'autre du manche et vous allez ainsi caresser des deux mains ces cordes qui vont s'appuyer sur un grand chevalet reposant sur la peau tendue qui va transmettre les vibrations de la corde et faire résonner la peau de vache qui va se mettre à chanter. Et ça, faire chanter des peaux de vache, c'est un privilège. Un privilège rare qui n'est accordé qu'à certains griots. Être griot, ça n'est pas donné à tout le monde. On ne le devient pas, on est griot. Oui. Le griot est donc un peu un aristo dont le rôle est de colporter les nouvelles d'une contrée à l'autre en les chantant. Le griot est à l'Afrique ce que l'Aède est aux Grecs de l'Antiquité, à la fois Homère et Léa Salamé. Je raconte, je colporte, je questionne, je fais la louange ou je fracasse. Le violoncelle, quant à lui, fait partie de la famille des violons, elle-même descendant du rebec, premier instrument à cordes frottées venu des Arabes. Mise au point à Crémone, au nord de l'Italie, par le grand Stradivarius, dont les instruments sont si chers aujourd'hui qu'ils n'appartiennent pas aux virtuoses qui les jouent, mais à banques qui nous permettent ainsi d'entendre ces sonorités fabuleuses. Et là, mon copain anarchiste, il dit « Ouais, finalement, se construire une kora, c'est peut-être moins cher que se construire un violoncelle. » La rencontre de nos deux héros du jour, Vincent Segal et Balaké Sissoko, ne fait que sceller, au fond, leur appartenance depuis la nuit des temps à la confrérie des frotteurs de cordes. Vous connaissez la confrérie des frotteurs de cordes, Charlie ? Oui, dans le métro, il y en a plein. Moi, j'en suis un petit peu. Le piano, on ne le frotte pas. Il ne frotte pas que les cordes dans le métro, d'accord. Je peux vous dire. Le disque de nous, dont nous parlons aujourd'hui, a été enregistré de nuit sur le toit, sur la terrasse de la maison de Balaké Sissoko dans un quartier de Bamako. Jouer sans mur ni plafond, ça donne des ailes, dit Vincent Segal. Sur la première plage du disque, on entend au loin la rumeur de la ville, un ronflement de voiture, une brebis qui bêle. Un peu comme chez moi quand je joue du piano. Les deux musiciens perpétuent un dialogue qui, au fond, ne s'est jamais arrêté. Ils mêlent leurs cordes, frottées, pincées, caressées, avec tant d'osmose qu'on ne sait plus qui est qui, dans un enchevêtrement magique sous les étoiles d'un des plus beaux ciels d'Afrique. Une nuit à Bamako. Malaké, Sissoko et Vincent Segal dans Samba Tomorrah, enregistré à Bamako sous un ciel étoilé, sur un toit. Exactement, et le vrai dialogue, alors ce qu'il y a de fabuleux avec la cora, c'est qu'encore une fois, comme il y a deux rangées de cordes, c'est comme si deux harpistes pratiquement jouent en même temps, d'où une virtuosité incroyable, et là-dessus, c'est le père Segal improvise et s'éclate. Quoi. Merci André Manoukian, nous sommes en compagnie de Romain Bouteille. Sa dernière pièce, Les droits des hommes courbes, qu'on pourra voir au Festival du Printemps du Rire à Toulouse du 29 mars au 2 avril. Mais avant, Romain Bouteille, oui, dites-moi. Avant, il y a là où on fait des fromages. Saint-Nectaire. Ah, vous jouez à Saint-Nectaire aussi? Ah oui. Mais voilà, il samedi. Est 17h37 à Saint-Nectaire et à Paris. Samedi, oh là là. Ah ben vous nous l'avez pas dit, voilà. À Saint-Nectaire, vous êtes prévenu, Romain Bouteille arrive. Et qu'est-ce que ça donne un extrait des droits des hommes courbes? Allez-y. Alors, bon, je peux pas expliquer tout le texte qui précède. Hein. Allez-y, on prend au vol. Pourtant, il faut expliquer cette impasse. Ce que, d'abord, un tel mépris suggère, c'est que l'usage abusif de grimaces chez l'homme d'État toujours dégénère en mépris de soi qu'il transfère aussitôt sur la populace. C'est un mal connu dans les hautes sphères. À moins qu'on ait peur dans la capitale que, voyant enfin tes vertus de lion, il parle au peuple, tes vertus de lion reconnues de façon légale, tu présentes un risque de rébellion face aux sodomies gouvernementales. Ou disons, on voit ça aussi dans les religieux. L'explication ne me satisfait pas. Synthétiquement, elle présuppose dans un organisme d'État un esprit de suite, une vision ample et rationnelle sur les choses, dont l'histoire n'a jamais vu d'exemple. Le mythe des gouvernants surdoués, hélas, n'est qu'un roman à l'eau de rose. Un homme de pouvoir ne ressent guère le doux frisson de son autorité s'il ne dispose pas d'un comité d'obtempérateurs de carrière. De faillots, si vous préférez. Ils sont Mais l'inconvénient, c'est qu'il les lui faut, capable d'assez de jugeotes pour s'esclaffer à ses bons mots, mais pas assez pour lui chier dans les bottes. En somme, des hypocrites complets, sachant même perdre avec élégance et conseiller la solution qui plaît. Donc surtout pas celle qu'il pense. C'est la chronique de Romain Bouteille. Bon, on laisse un peu la suite pour Saint-Nectaire, Romain Bouteille. Eh ouais, samedi. Mais vrai, on n'a pas abouti là. Ah, on a laissé suspense. Quoi. Ouais, on a laissé suspense. Ah non, il faut pas. Ah, allez-y, parce allez-y. Qu'il y a une chute. Ah, pardon. Le choix de si parfait subordonné exigerait du maître un savoir-faire très improbable si on considère que lui-même, hélas, fut sélectionné en son temps selon les mêmes critères. Alors, dans le doute, il préfère se les choisir complètement tarés. Ces ministres, messieurs. Et cette carence mentale ne peut que s'aggraver encore quand, sur le cercle gouvernemental, on va du centre vers le bord. Accroissement cumulatif. À chaque sous-fifre correspondant un choix de plus en plus prudent, de subalternes plus inoffensifs. Voilà. Yes. Romain Bouteille, un extrait de Les droits des hommes courbes de Romain Bouteille que vous pouvez donc entendre à Saint-Nectaire samedi et à Toulouse à la fin du mois. Et c'est une transition Guillaume Meurice. Oui, alors bien moi sûr. Je vais vous parler nucléaire aujourd'hui parce qu'il y avait lieu la grande convention de la Société française d'énergie nucléaire, donc la grande réunion du lobby du nucléaire français. Alors j'ai naturellement demandé une accréditation, ils m'ont d'abord dit oui, hein, pas de problème, puis ils sont allés sur internet écouter quelques-unes de mes chroniques, et puis ils m'ont rappelé, et ils m'ont dit non, sous prétexte qu'un jour, oui, peut-être j'avais émis quelques réserves sur leur activité, oh non, pas vous. Bon, leur radioactivité d'ailleurs en l'occurrence, et ça m'a blessé parce que moi j'aime pas qu'on organise une fête sans moi, ça m'a rappelé la boum de Mélanie Fluchard quand j'étais en 3e, elle m'avait pas invité sous prétexte que oui, un jour j'avais peut-être mis du yaourt dans son cartable. Ah oui, j'ai le même humour hein, depuis le collège, on peut le constater. Bref, j'avais bien les boules, mais je me souviens, j'y étais allé quand même à la boum. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'y suis allé quand même. Hein. Je me suis planté devant l'entrée et j'ai quand même interrogé les gens du lobby du nucléaire en me disant s'ils ont peur d'un rigolo comme moi, est-ce que c'est bien rassurant? D'ailleurs, est-ce que le nucléaire en général est rassurant? Commençons avec un premier pro du secteur. Bah, écoutez, je pense que premièrement, toute activité humaine présente un risque. Par contre, oui, mais cueillir des champignons, un petit peu moins quand même que de travailler sur le nucléaire. Ça dépend où étaient les champignons. Oui, évidemment. Alors, si c'est des champignons de la forêt de Fukushima, on ne conseille pas. En même temps, si vous faites une omelette avec, à mon avis, elle cuit toute seule. Donc, ça peut être aussi avantageux, le nucléaire. Mais bien souvent, ce qu'on risque de cueillir, c'est un champignon atomique. C'est ça la crainte qu'on a. Mais rassurez-vous, je suis allé voir un autre professionnel du secteur qui m'a dit que c'était rassurant. Ce qui était rassurant dedans, c'est que... Que l'on sache qu'on ne peut pas se permettre un accident, que l'autorité de sûreté dise que le risque zéro n'existe pas, tout ça, c'est quelque chose qui doit rassurer les gens. Que le risque zéro n'existe pas, ça doit rassurer les gens ? Oui. Alors, oui, parce que là, je ne suis pas hyper rassuré, du coup, si le risque zéro n'existe pas. Surtout qu'on parle sans arrêt dans la presse d'incidents de fuite dans les centrales. Alors, allais-je enfin trouver un pro du nucléaire qui allait me rassurer ? Pourquoi voulez-vous être rassuré ? Bah parce que c'est flippant un peu, non ? Ben non, les fuites, s'il y a des fuites, elles sont maîtrisées. Vous avez votre voiture, pareil, il y a des incidents, des problèmes. Oui, mais ma voiture, elle n'est pas radioactive. Rappelez-vous, enfin non, vous ne connaissiez pas, moi non plus, mais il y avait une publicité de l'époque sur la radioactivité, c'est bon pour la santé. Ah, bah là on commence à être rassuré. Là d'accord, là je vais rajouter du plutonium dans mes chocs à pic le matin. Bon, ouf, ça va bien les calmer les écolos antinucléo là, qui veulent mettre de l'éolien partout. Parce que ça, je vais vous dire, l'éolien, oui, c'est vraiment dangereux. C'est un pro du nucléaire qui me l'a dit. Prenez la plus grande éolienne du monde qui est française, d'ailleurs l'Alliade 150. Le montage d'une Alliade peut tuer des gens. Aussi bien que de construire que le nucléaire. Vous pensez ? Oui, parce que c'est 150 mètres de haut, c'est un monument, c'est énorme. Mais c'est quoi le risque ? C'est de tomber de l'éolienne ? Risque classique, électrocution, chute, toutes sortes de risques. Et oui, et là, ça fait flipper. Hein, c'est plus le nucléaire qui fait flipper, c'est l'éolien. Mais on n'en parle jamais de ça. C'est oui, un petit enfant qui naît avec 8 bras à cause du nucléaire, ça c'est spectaculaire. Ça fait le buzz, vous comprenez ? Mais Michel, qui répare l'éolienne et qui se prend une châtaigne, eh ben ça, on n'en parle jamais, je suis désolé. Et l'hécatombe là, de tous ces électriciens qui chutent du haut des éoliennes, on n'en parle jamais non plus. Y a pas d'enquête là-dessus. Pourtant, c'est une honte, les éoliennes. Et puis, c'est pas tout. L'éolien génère aussi des ultrasons, des ondes négatives toxiques. Enfin, il y a tout un tas de disques. Dès que l'homme crée quelque chose, d'autres hommes vont dire que c'est dangereux. Donc, on n'est pas à l'abri d'un nouveau Fukushima, mais au niveau de l'éolien. Toutes les formes, je dirais, de terrorisme lexical sont dangereuses aussi. Et oui, et ça fait flipper aussi, le terrorisme lexical. Si Daesh décide de faire péter une centrale nucléaire, ça encore, ça passe. Mais si Daesh fait une déclaration en disant le nucléaire, c'est de la merde, là, c'est du terrorisme lexical. Ça fait flipper, parce que là, il s'en prendrait directement aux intérêts de la France. Parce que oui, le nucléaire, c'est aussi une volonté politique. Hein. Faut le dire, on vend des centrales à plein de pays dans le monde. Et un autre pro du nucléaire japonais a tenu à me rassurer là-dessus aussi. On fait confiance à nos dirigeants de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps quand même. Il faut faire confiance à nos dirigeants ? Et, je veux dire, oui, je pense qu'il y en a qui méritent la confiance, parce qu'ils sont bien engagés, sont compétents. Et ils connaissent leur métier. Ah bah oui, bah ça on n'était pas au courant déjà. Nos dirigeants sont compétents alors. Pas tous, je pense. Ah mais... oui, ceux qui vendent les centrales, ils sont compétents. Pas que, qui nous font voyager dans les avions aussi sont compétents. Ils construisent les voitures pour qu'on puisse ne pas avoir des accidents à tout le temps, sont compétents. Eh oui, beaucoup de compétences chez tous ces gens-là. C'est vrai qu'il y a tellement peu d'accidents d'avion ou de voiture que la comparaison nous rassure. Directement, ça fait vraiment du bien. Tiens, comme il est rassurant, concluons avec lui. Finalement, pourquoi a-t-on peur du nucléaire ? On a peur du nucléaire tant qu'on est loin du nucléaire. Venez voir et vous allez voir que... Les gens qui travaillent dedans sont super compétents et on peut leur faire confiance. Ah, on peut visiter une centrale nucléaire comme ça ? Absolument. Ah bon ? Bien sûr, on peut visiter. Il suffit de demander les autorisations qui vont bien. Eh ben voilà, une excellente idée de sortie en amoureux pour le week-end. Une petite visite de centrale nucléaire. Vous savez quoi ? Je vais proposer à Mélanie Fluchard, hein, je suis pas rancunier, finalement ne pas m'inviter à sa boum, ça reste moins grave que si une seule centrale nucléaire française fait boum. Merci Guillaume Meurice. Guillaume Meurice qu'on retrouve, devinez où, Romain Bouteille ? Mais oui. Au Café de la Gare. Mais évidemment. Vous avez cofondé avec votre époque. Eh ouais, les 12 et 26 avril, Guillaume Meurice. Ah. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h avec Romain Bouteille. Le deuxième sujet, c'est qu'à Berlin, des théâtres mettent leur créativité au service des réfugiés. Des marionnettes, par exemple, pour pallier le défaut de communication. Une vente aux enchères de décors et costumes ou un théâtre post-migratoire assuré par des enfants d'immigrés. Le but est notamment d'expliquer la société allemande. Alors comment ? Extrait. Un numéro sexy, comique à Munich. Bon, ce n'est pas très fin. Elle chevauche une banane géante en caoutchouc qui répondit partout sur la scène du cabaret. Le tout accompagné par des harpes. Ouais, c'est un peu vulgaire, hein. Mais on rigole en même temps. On se bourre de quiche, on boit des énormes pintes de bière, et on finit en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée. Charmant. Je raffole ce genre de soirée. Ouais. C'est Jacques Villeray et Jacqueline Maillan dans Papy fait de la résistance. C'est un article à lire dans Télérama. Les théâtres à Berlin offrent aussi du soutien juridique. Mais il y a par exemple à Berlin un hangar où se trouvent quasiment 10 000 réfugiés qui se trouvent à 5 km du centre de Berlin avec ces théâtres qui offrent un soutien à ces réfugiés. Le milieu du spectacle, c'est un interlocuteur plein de ressources pour le dialogue, l'entraide sociale, là-bas, l'intégration. Vous voulez dire. Oui, mais en général, dans l'absolu, si ça pouvait se faire ici. Le théâtre, par exemple, à Étampes, admettons, il y ait des réfugiés mais à Étampes. Non, Étampes, c'est consacré aux grands solistes. C'est-à-dire que déjà, au départ, il faut faire 1m85. Alors, bon, il y a une sélection comme ça. D'accord, mais en dehors, alors, c'est pas forcément des spectacles qui sont dédiés. Hein. Oui. le milieu du théâtre est un milieu formidable pour commencer à dialoguer avec ces gens qui arrivent. Pas le milieu, non, le bord. Ouais. Ah ouais, ah d'accord. Les rejetés du théâtre. Mais le milieu, non. Non. Non. Ah ça, non, c'est... non, non, non. Le milieu, en général, il est subventionné. Donc, il ferme sa gueule et il s'écrase. D'accord. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour du milieu. On a tellement été complet que. Je passe la parole à Brice Colucci dans ces cas-là. Eh ben oui, alors voilà, moi je vais essayer de vous faire un petit point sur les ingénieurs optimistes qui vont diriger la société de demain. Depuis la nuit des temps, quand l'homme ne comprend pas quelque chose, il cherche une solution pour l'expliquer. Alors pendant des millénaires, la réponse venait le plus souvent des dieux, c'était le mysticisme. Puis à partir de la Renaissance et plus particulièrement depuis le 19e siècle, c'est la science qui apporte les réponses, ça c'était le scientisme. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle réponse universelle, c'est la technologie. Donc l'utilisation de la science pour faire des objets qui vont nous servir tous les jours. Et en effet, les nouvelles technologies, de la nanotechnologie à l'intelligence artificielle en passant par la robotisation du corps humain, nous promettent des miracles. Plus de pollution, plus de maladies, de l'énergie pour tous, et même vivre plusieurs siècles, voire éternellement, selon les prévisions les plus optimistes. Alors, certaines de ces technologies sont encore des rêves fous, mais d'autres sont déjà en application et se développent de plus en plus. Comme les robots, hein, qu'on voit de plus en plus, les nouveaux matériaux issus de la nanotechnologie ou les prothèses robotisées. Et tant que c'est dans un domaine médical, bah, tout le monde trouve ça super. Quand c'est militaire, c'est plus polémique. Mais surtout, ces technologies envahissent petit à petit la vie sociale. Et là, ça pose plus de questions. Mais malheureusement, les politiques sont pris de vitesse parce que ça rapporte tellement d'argent, ces technologies, qu'on prend plus trop le temps de se demander si ça pourrait être dangereux de peur de freiner la croissance. Et ah bien, oui, sûr, bien sûr, le drame. Ça, ne comptez pas sur les politiques pour ça, ils ne jurent que par la croissance. Alors pour vous donner une idée, la Silicon Valley, qui est à la pointe des nouvelles technologies, gagne 300 milliards de dollars par an. Ce qui fait de cette seule région un des pays les plus riches du monde. Du coup, c'est pas évident de leur donner des leçons. Hein. C'est comme Justin Bieber qui, à 15 ans, est tellement riche que quand sa mère lui dit « va ranger ta chambre », il répond « oh, c'est ma maison, si t'es pas content, tu te casses hein ». Alors forcément, ça fausse radicalement le rapport de force. Mais jusqu'où on peut fermer les yeux sous prétexte que ça rapporte du fric? Est-ce que les ingénieurs doivent seuls contrôler le monde? Les ingénieurs, leur métier, c'est d'optimiser au maximum ces nouvelles technologies pour qu'elles rapportent le plus de fric possible, avec cette idée directrice que la meilleure idée, c'est celle qui fait les meilleurs bénéfices. Pour reprendre la définition de Pascal Pic, qui est paléo-anthropologue mais qui a une formation d'ingénieur, le pessimiste dit que le verre est à moitié vide, l'optimiste dit qu'il est à moitié plein, l'ingénieur dit qu'il est deux fois trop grand, c'est pas rentable. Et ces ingénieurs trouvent en effet plein de solutions aux problèmes d'aujourd'hui. Mais ces solutions amènent des nouveaux problèmes qu'on ne connaissait pas encore, tout en nous disant « vous inquiétez pas, on trouvera bien une solution ». Donc ça peut durer longtemps, hein, à force de créer un problème, trouver la solution qui va créer un autre problème. Bon. Alors je vous rassure quand même, ces ingénieurs de la Silicon Valley et d'ailleurs commencent à se rendre compte de leur puissance et développent une certaine éthique. Bon, en fait, surtout parce qu'ils ont peur de perdre des clients. Donc c'est assez relatif comme éthique. Hein. Comme le dit le philosophe Fabrice Adjage, aujourd'hui en guise d'éthique, on fait surtout de la cosmétique. On te met un gros coup de pinceau sur la gueule et on te dit « tu es magnifique ma chérie, tout va très bien ». Mais c'est vrai, j'ai fait un petit tour d'horizon des différents avis sur la question et entre les philosophes pessimistes et les ingénieurs optimistes, tous concluent qu'avec avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Alors à la fois, ils se sont pas trop cassés le tronc, hein, parce que c'est la morale de Spider-Man. Peter, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et pour finir, je voudrais rappeler à ces philosophes et ces ingénieurs que quand le pessimiste dit « Non mais là, vraiment, ça pourrait pas être pire », l'optimiste répond « Mais si, bien sûr que si !» Marius Colucci, alias Coluccipédia, comme l'appellent ses amis. Un puits de science. Merci Marius, qu'on retrouve, tiens, au Sentier des Halles. Vous, c'est le Sentier des Halles, chacun son petit endroit. Le vendredi à 21h30, c'est Marius et les Marioles. Il pousse la chansonnette, dites donc. Comme un autre que vous allez entendre là tout de suite, parce que dans le troisième sujet, Romain Bouteille, on va parler avec vous d'un essai littéraire qui nous annonce la fin du bobo, vous savez, le bourgeois bohème. Ouais. Et l'émergence aujourd'hui de son antithèse, le boubourg, c'est-à-dire le bourgeois bourrin, caractérisé par une masculinité old school et l'éloge d'un libéralisme sans foi ni loi, type un peu OSS 117 ou Nicolas Sarkozy. Si vous vous souvenez de ce tube de Frédéric Fromet, ce tube international, allô maman bobo, il va falloir renouveler, trouver l'antithèse. Ça tombe bien, il est là. Hein, Fred ? Ouais, ça donne parti. Quoi ? Y en a marre du boulgour, le bio ça fout la diarrhée. On veut du gras et du lourd, on n'est pas des PD. La bien-pensance, on s'en fout, on veut du décomplexé. Nos philosophes à nous, c'est Booba et Wauquiez. On aime autant les expos qu'un bol de quinoa. On n'aime pas les intellos ou alors Hanouna. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la grosse pute? Je peux pas la raconter car j'ai moins d'une minute. Allô maman, au secours, maman, je suis boubourg. Couplet inédit de Frédéric Fromet. Dans la suite. Oui, ça vous dirait de faire la suite, un de ces quatre? Vendredi, on fait des boubous. Parce qu'il y a de quoi faire. Merci Frédéric Fromet. Alors, c'est un Américain qui avait lancé le concept de bobo dans un ouvrage intitulé Bobos in Paradise. Et on apprend sur le site slate.fr qu'en France, c'est au départ une tribune de Mediapart qui date de 2013, qui est devenue un essai qui s'appelle Le bourgeois bourrin. Et qui, le bourgeois bourrin apparemment rejette l'intellectualisme, la sophistication. Il est tout à fait décomplexé, type Copé, Sarkozy. Le type décomplexé, on en voit partout. Romain Bouteille, il n'a pas l'air très anarchiste, il a l'air un petit peu plutôt néocon peut-être. Je ne sais pas si vous constatez cette émergence. Moi, j'ai rien compris. Je croyais que c'était une façon de qualifier les gens qui visitent le centre Beaubourg. Malheureusement, on en est loin. C'est l'inverse. Il y aura peut-être un petit côté Trump, sauf que lui, il n'est pas bourgeois, il est carrément milliardaire, surmilliardaire, mais ce serait ce côté décomplexé. J'ai du fric, que je m'en fous, je vous emmerde, parce que si j'ai une gourmette et que ça me plaît. C'est suivre une mode qui existe depuis pas mal de centaines d'années. On se montre soi-même comme étant rustre et bête, de manière à ce que personne puisse vous contredire, quoi. On se montre, c'est un vrai complexe de celui qui se sent supérieur, comme il ne peut pas le prouver, il se montre exprès rustre et inférieur. Comment vous interagissez avec ces gens-là, s'il y en a un qui vient dans la salle et qui vous dit « j'ai adoré le spectacle » Ou « j'ai détesté » Je ne le crois pas. Ceux qui adorent un spectacle, ils ne viennent jamais te le dire. C'est pas vrai. Si, quand même, parce que dans votre salle, par exemple, les grands solistes à Étampes, j'imagine que vous voyez le public, parce que justement, la salle, elle est d'une capacité où elle est en capacité d'être remplie et de voir les gens après. Il y a combien de places dans votre théâtre, Romain Bouteille? Une cinquantaine. Bah voilà. Donc vous voulez les rencontrer, les gens? Ah mais je rencontre tout le temps. Mais ceux qui me disent qu'ils ont beaucoup aimé, je ne les crois pas vraiment. Il y a une seule que j'ai cru, mais vraiment. Elle s'est pointée en me disant « Moi, j'ai rien compris, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas de comprendre ce que vous dites, c'est les vers. J'aime beaucoup les vers. Le reste, j'en ai rien à foutre. » Et je lui dis « Oh putain, ça c'est une spécialiste. » Eh bien, on n'a pas des vers pour vous, Romain Bouteille, mais on a un sketch, si vous voulez bien le faire avec nous. À la fin de l'émission, on propose toujours un sketch. Alors là, on s'est dit qu'à l'époque du Café de la Gare, c'était en 69, c'était l'époque de la gauche décomplexée, on va dire. Aujourd'hui, c'est plutôt la droite décomplexée. Alors on s'est dit, si vous remontiez un Café de la Gare, ce serait peut-être avec d'autres genres de gens. Alors je vous propose une nouvelle troupe. Charline fait Marion Maréchal, Guillaume Meurice fait Alain Finkielkraut, Marius Colucci fait un humoriste bien connu, et vous êtes Romain Bouteille qui remontait le Café de la Gare aujourd'hui. Le Café Boubourg. Ah ouais. Salut Finky, t'es là pour la répète ? Taisez-vous ! Taisez-vous ! Non, tu peux parler moins fort parce que je suis pas mon grand-père, moi. Oui. Le Pen, je sais le faire. Tout va bien, n'est-ce pas ? Ah, bah, voilà Jean Roucas. Ah, mais il imite que les gens morts. Mais il est pas encore mort, mon papy. Il est pas mort. Ah, quelle belle troupe ! Mais taisez-vous ! Taisez-vous ! Non, mais arrête, c'est lui l'autorité. Ah, pardon. Alors, j'aime beaucoup l'autorité, c'est important l'autorité. Ah, et l'autorité, ça, je sais faire ça. Et crac, crac, crac, Jacques Chirac. Allez ! Au travail. Oh oui, au travail, famille, patrie. Bon, alors, on a un sketch sur l'identité nationale. Qui veut jouer le bon français ? Moi, tous en même temps. Ouais. C'est pas un sketch facile. Ah, mais ça, je suis désolée, c'est un rôle pour moi. La France aux Français, moi je connais ça par cœur. Ok, je vous donne le rôle. Ah. Ensuite, on a un sketch sur l'homosexualité. Qui veut faire le PD ? Non. N'ayez pas peur, ça n'est qu'un sketch. Non, mais moi, ça commence par un sketch et puis ça finit dans une backroom avec des Arabes et des Noirs. Et c'est ce qu'on appelle une backroom. Taisez-vous ! Calmez-vous ! On va faire le sketch sur l'identité nationale. Ah bon, mais Roucas, il peut imiter Sarkozy ? Qui ça ? Ah non, c'est trop récent. Je peux faire Chabon, Kidou, si vous voulez. J'ai un Clémenceau. Alain, tu rentres avec un livre d'Éric Zemmour. Éric Zemmour. Taisez-vous ! T'aimes pas Éric Zemmour ? Je le déteste ! Chaque fois, il est un peu plus à droite que moi. J'aime non, pas. Mais moi, je veux bien le faire parce que j'aime bien Éric Zemmour, moi. Parfait. Alors, pourquoi tu l'aimes bien ? Parce qu'il est toujours un petit peu moins à droite que moi. Alors, et Michel Onfray, il est pas là ? Non, ouais. C'est pas son jour, il vient un jour sur deux. Ouais. Ah bon ? Ouais, un jour sur deux, parce qu'il est de gauche, donc demain, il sera là. En fait. Ouais. Moi, j'en peux plus, moi. Avec vous, j'en peux plus. C'est pas le café de la gare, hein. C'est le café du commerce. Romain Bouteille avec parfait, nous. Au pied levé, bim. Romain Bouteille que vous pouvez retrouver à Saint-Nectaire, ce sera samedi au Théâtre du Casino pour votre spectacle Les droits des hommes courbes que vous avez créé, j'imagine, dans votre théâtre, Les grands solistes à Étampes, donc dans l'Essonne. Et puis on peut vous retrouver aussi au Festival du Printemps du Rire à Toulouse du 29 mars au 2 avril. Et je vois que vous jouez dans Vendeur de Sylvain Desclous en salle le 4 mai. Et justement, Gilbert Melki sera notre invité le 3 mai pour parler de ce film. Non, mais je vous informe, vous avez tourné dedans, je peux vous le dire. C'est un truc enregistré. Oui, c'est ça. C'est comme un film. On verra le 4 mai. Gilbert Melki viendra nous en parler. Romain Bouteille, on était très, très, très heureux de vous avoir avec nous. On vous remercie et on laisse le mot de la fin si vous voulez savoir ce qui se passe pendant les deux heures qui vont suivre avec Nicolas Demorand. Bah, chez Nico, ça se passe comme ça. On se bourre des quiches, on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée.